We'll be right back. Thank you.

pas si tu l'as accordé, moi. Ouais, parce que faut que tu reviennes, faut que tu lâches le téléphone, parce que le soliste, il est nul. Il est nul à chier. J'aurais une tendance à se désaccorder, c'est pas... Ah, c'est pas une preuve.